Absence, trop de délinquance, mon département c'est 8-9, trop de keufs à rôder dans leur caisse, laisse R-I-C-E-U-S, ôter ta tête, ces mauvaises pensées dans ma tête, trop de business, trop de mes frères, double heps. Trop de jeunes sous surveillance, trop de bavures d'ordures passées outrance. Putain, je suis en transe à la sup. Rotage de stup, trafic de stupéfiants. Pour réussir, faut être méfiant. Méfie-toi de ceux que tu connais pas, parfois même de ceux que tu connais. Pour pas tomber, risque de te donner mon 8-900 département. Débarquement de fou à l'Iricus, Vido CNN. Tous les trois liés dans nos rimes. Pour le syndicat des rimes, inspiré par la résine. Pas résigné à laisser tomber, pas tomber dans le vice du crime. La nuit, les rues désertes, n'est qu'illusion, mais fuis. Tu cours à ta perte ici. C'est pire que l'incarcération. Si c'est pas te mettre la pression, garçon. Ici tout est tordu, les coups tordus, l'effort tu fais sert à rien, alors tu t'es. Mon 8-9, trop de keufs dans leur voiture police. C'est banalisé, qu'est-ce qui leur prenne à venir peu perquiser. C'est là que je me mets à réaliser que mon 8-9 anti-keuf, c'est pas du bluff. Putain, quand j'y repense, c'est pas toujours la fête dans mon 8-9 à sens. Trop de délinquance, trop de différence, trop de violence, de romance. Ici, on n'aime pas les balances. Le bise se fait en cachette pour pas que ça finisse sous un char de mitraillette. Mon 8-9, le soir, les cités sont agitées. Ouais, roya, c'est normal, ils veulent pas nous écouter. De ce gouvernement, j'en suis dégoûté, c'est le syndicat des rimes. Nos rues pull crime, c'est pas de la frime. Vas-y cous, file-moi une feuille slim. Que je me décontracte, que je finisse mon acte. J'suis au stoliac, faut pas que je fasse de bavure. Faut que je reste intact, ça m'aide à réfléchir. De mon 8-9, mon empire. Ça m'aide à réfléchir dans mon 8-9, mon empire. Mon 8-900, trop de sang versé, trop de peine dans mes versets, trop de haine dans certains de mes propos. Je me calme le système avec un peu de popo. À propos, à sens, essaie de marcher dans le bon sens, de donner un sens à ta vie, pas tomber dans ce vide de la rue. L'argent facile, ça tue sur toi, tes faux potes sur rue, la drogue te tue. Dans mon 8-9, trop de meufs salis par des grandes gueules, trop de belles gueules, trahis par des sales meufs. Fais gaffe aux coups de bluff à ceux qui te balancent au cœur, c'est ça mon 8-9. Trop d'histoires de seuf dans les VK, trop d'histoires ont poussé mes refs à la peta, dans le désespoir avec la Jura. Que serait au mic pour tous mes royas. Spécial dédicace à Shidma pour mon département. Le 8-900, les chaillots, la ville de sens où j'ai vécu de mon enfant jusqu'à l'adolescence. Passe-moi une allumette et un bidon d'essence. Mon 8-900, département pour vivre, obligé de faire du bis allemand. Je te jure, je suis pas en train de te timant. C'est comme ça, dans mon 8-900, la vie se passe tranquillement. Tous les jours, de nouvelles péripéties. Mon 8-9, des keufs, y'en a trop ici. La rue Fennel, bloc 7, c'est pas la jet 7. À deux, c'est déjà dur, je me vois pas galérer seul. Dans mon 8-9 obscur, c'est VYDO, MIC, écoute ce son pur. Je représente le 8-9 pour tous les quartiers de sens. Contre cette France, contre ces balances, on fait tout pour y arriver. On évite la JAV. Mon 8-9, c'est la galère, ça restera gravé.